it's going down tonight. But it's always dark as before the light. And that's enough. Sur RTL de 8h07. Grégory Achard et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL 2. On se réveille tous, un, en finale de la Coupe du Monde, quand même, ce qui n'est pas rien. Deux, la voix un peu cassée, les traits un peu tirés, les yeux un petit peu fatigués, mais la joie absolue. Bonjour Justine. Bonjour Greg, bonjour tout le monde. Bonjour Jérémy qui est au malade de l'émission. Bonjour Greg, bonjour. C'est toi qui as préparé ce générique, et ça fait du bien. Franchement, je suis arrivé ce matin dans l'Open Space, il préparait ce générique, ça m'a collé les frissons. Il préparait, il faut l'avouer que Jérémy n'a pas beaucoup dormi, il a fait vivre cette finale à son fils. C'est beau. C'était mignon. C'était énorme. Et Greg, toi, t'as fait quoi? J'ai travaillé en fait sur l'avant-match. Et oui, du coup, sur la chaîne, voilà, j'ai regardé la première mi-temps avec toute la rédaction. Puis, je suis rentré chez moi en quatrième vitesse. J'ai été presque aussi rapide que Kylian Mbappé. Et j'ai regardé ça tranquillement en famille. Et toi, par contre, t'as pas eu de chance? Bah non, moi, j'étais en Corse pour un mariage et mon avion a eu du retard. Du coup, j'ai pas vu la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je l'ai vu dans la voiture et j'ai vu le temps additionnel chez moi. Ah bah voilà, bah tu l'as vu en fragmenté, quoi. Et j'ai été fêter ça, bien sûr, avec un verre de la victoire après. Bah, bien sûr, entendu. Comment pourrait-il en être autrement? Un verre. 8h08, c'est le double expresso. Évidemment, on est très heureux d'être avec vous ce matin. Je vous donne le sommaire dans un instant. Il y aura du son pop rock, voilà ce qu'il faut savoir. Maroon 5, Queen. Et puis Texas, Say What You Want dans le double expresso RTL 2. Bonjour et bienvenue en finale de la Coupe du Monde. Hein, bah ouais.

leave the light on. Cause I will leave the light on. Grégory Achère et Justine Salmon, jusqu'à 9h, c'est le double expresso de l'été sur RTL2. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. Et c'est vrai que c'est magique ces matinées de lendemain de qualification pour une finale de Coupe du Monde. Mais c'est vrai. RTL 2, l'info expresso de l'été. Et c'est Justine qui s'en occupe dans cette info expresso. Tu nous parles déjà de nos vacances. Oui, je vais vous aider à gagner de l'argent pendant vos vacances. Que qui dit vacances dit dépenses, ouais. On ne va pas se mentir. Ouais. Entre les sorties, l'hébergement, tout. Hein, le transport, toutes ces choses-là, évidemment. Les dîners, les déj, enfin tout. Hein, la totale. Donc, accompagner un voyageur, par exemple. Le site faciligo.fr met en fait en relation des personnes qui, pour diverses raisons, ne peuvent pas voyager seuls. Excusez-moi, est-ce qu'on peut avoir le replay de cette chronique depuis le début? Voyager seul. Il n'y a pas un mot qui est sorti normalement. Bon, on oublie tout et on recommence, d'accord? Par exemple, les enfants, les seniors, les femmes enceintes ou encore les personnes à mobilité réduite. Ouais, pas facile. Donc, du coup, vous les accompagnez et vous profitez de meilleurs tarifs. Par exemple, si vous êtes étudiant, vous pouvez ne pas payer votre voyage carrément. C'est pas mal, ça. Voilà. Un autre bon plan, vendre ses photographies. Comment quand on se prend tous pour de grands photographes avec nos iPhones, eh bien sachez que vous pouvez vendre ces photos. C'est la plateforme Kugi.io qui permet aux photographes amateurs de vendre leurs clichés de vacances contre une vingtaine d'euros et donc sont même acceptées les photos prises avec un smartphone. Ah bah voilà, je vous vends un de mes selfies du matin, non, 55 euros. Allez hop, mise en ligne. Les photos de paysages, bien sûr. Ah bah jolie. Photos de Grégory Hacher. Bah excuse-moi, bon. je suis égocentrique, mais photos de selfies, c'est moi. Voilà. Oh là, mon Dieu. Et enfin, jouer aux facteurs aussi contre rétribution. On a plusieurs sites de livraison de colis en très particulier. Ah, c'est bien. Le principe, c'est vous profiter d'une petite place dans le coffre de voiture ou dans la valise pour livrer un colis une fois arrivé à destination. Bah, c'est un peu comme les courses faites par les voisins, c'est ce qu'on a fait pendant ton absence lundi, mardi, c'est dans le même esprit. Merci Justine, c'était bien. Hein. Surtout la fin. C'est Maroon 5 et Christina Aguilera dans le double express sur RTL 2. On continue la fête. Allez, move like Jagger sur RTL 2. Just shoot for the stars. If it feels right, then aim for my heart. Christina Aguilera dans le double expresso RTL de Moves Like Jagger. C'est l'heure de l'horoscope. Évidemment, tout le monde en finale, mais à des degrés différents ce matin. Hein, on y va. Allez, médaille de bronze pour les balances, Greg. Une de vos relations prend un nouveau tournant. Attention à ne pas vous brûler les ailes. Les sagittaires. Il faut surmonter certains désaccords. Bombez le torse, gardez la tête haute. Verseau. Vous êtes trop recentré sur vous-même. Ouvrez-vous aux autres. Les poissons. La chance vous fuit. Ce n'est pas le moment de tenter votre chance au jeu. Médaille d'argent maintenant pour les taureaux. Votre dynamisme séduit. Il pourrait bien vous aider à obtenir ce dont vous rêvez. Gémeaux. Le succès est tout prêt. Plus rien ne vous résiste. Les cancers. Vous êtes organisé et motivé. Vos supérieurs apprécient. Lion. Vous êtes sûr de vous.

gynécologiste s'en était pris à une femme qui refusait de danser avec lui. Il avait ensuite insulté le videur ainsi que des policiers qui patrouillaient dans le secteur. Donald Trump met un peu plus la pression à la Chine. Washington a dressé une liste supplémentaire de produits chinois importés d'un montant de 200 milliards de dollars par an. Les États-Unis menacent de taxer leurs droits de douane dès le mois de septembre. Pékin dénonce un comportement inacceptable et annonce des représailles ce matin. Allez, retour au sport avec la 5e étape du Tour de France. Avec au programme 204 km entre Lorient et Quimper, hier c'est le Colombien Fernando Gaviria qui a remporté au sprint la 4e étape. C'est son 2e succès depuis le départ. Le Belge Greg Van Avermaet est toujours en jaune. La météo des plages, il fera beau sur la quasi-totalité du littoral malgré quelques nuages sur les côtes de la mer du Nord et de la Manche. Un petit peu de fraîcheur, 19 degrés seulement à Étretat cet après-midi avec une eau à 19 degrés. En Bretagne, il est prévu 26 degrés à Brest, température de l'eau 19 degrés. Dans le golfe de Gascogne, on attend 27 degrés à Saint-Jean-de-Luz et un océan à 24 degrés. Sur le pourtour méditerranéen, là aussi, il fera beau, 29 degrés prévu à Argelès-sur-Mer au plus chaud de la journée avec une eau à 22 degrés. 31 degrés à Saint-Tropez, température de l'eau 24 degrés. Et puis en Corse, Météo France prévoit 27 degrés à Porto Vecchio et une mer là aussi à 24 degrés. 8h32, contrairement aux fake news, Justine Salmon, il est 8h32, non pas 6h32. Je vérifiais si vous suiviez. Bien sûr. Eh bien, sache que, du coup, comme tu as dit 6h30, selon une étude américaine, les hommes se repèrent mieux dans l'espace et le temps et trouvent leur chemin plus facilement que les femmes. On en a la preuve. À l'aise pour identifier des raccourcis, ils arriveraient plus vite à destination. Et tu sais grâce à quoi, selon les chercheurs ? Grâce à quoi ? Selon les jeux vidéo. Jeux vidéo qui leur donneraient cette capacité à mieux s'orienter. Moi, j'ai aucun problème, j'assume complètement. J'ai pas le sens de l'orientation, je suis pas coordonnée. Tout ça, je l'assume. On va écouter Liquido sur RTL2. Tant que tu sais que c'est RTL2, tout va bien. So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this. Would still recall my name and the month it all began. Will you release me with a kiss? I tried to draw the veil. If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Dazed by careless words, cozy in my mind. Wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one. And the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Dazed by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I touched your face, narcotic mindful lace. And I called your name, Michael Caine. Alors, 9h25, c'est le double expresso RTL2 avec le coup d'eau narcotique. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Un winner trouvé ce matin sur westfrance.fr. Oui, avant, on va souhaiter un bon anniversaire à la femme de notre réalisateur Jérémy. C'est Rachel qui nous écoute peut-être. Bisous, bon anniversaire. Bon anniversaire. Oh, c'est Rara. Rara. Bon, alors, grâce à westfrance.fr, j'ai trouvé une belle histoire. C'est l'histoire d'une corvée qui est devenue une vocation. Quand il était petit, c'est Rodney Smith Jr. dont je parle. Il détestait tendre le gazon. Moi, bon, ça, je peux le comprendre. C'est pas oui. Plus agréable. Des années plus tard, c'est pourtant cette tâche qui occupe le plus clair de son temps. Voici son histoire. Tout a commencé il y a 3 ans à Huntsville, dans l'Alabama. Il croise un vieil homme qui a du mal à passer la tondeuse dans son jardin. Il s'arrête et il l'aide. De fil en aiguille, il commence à dépanner les personnes âgées de son quartier en passant la tondeuse. Belle attitude, beau geste, appréciable. Sa bonne action l'incite alors à fonder une organisation qui s'appelle Raising Men Law Care Service, une association pour regrouper des personnes qui, comme lui, cherchent à donner un coup de main à des gens qui ne peuvent pas faire plein de tâches, dont notamment tondre le gazon. Et ce bon samaritain estime avoir tondu plus de 2000 gazons aujourd'hui. Et depuis 2007, il a un nouveau programme, traverser le pays avec sa voiture et sa tondeuse dans le coffre pour aller tondre les gazons de tous les Américains qui en ont besoin. Il tond 1 ou 2 gazons par jour. Et avant chaque déplacement, il utilise les réseaux sociaux pour annoncer sa prochaine destination. Il est sponsorisé par une marque de tondeuse à gazon. Et il fait ça complètement gratuitement, puisqu'il reçoit quand même des dons privés. Mais il le met au service et au sein de son association. Moi, je trouve ça super chouette quand même. Une belle initiative. Ça serait bien. Le tondeur fou. Il pourrait venir dans ton jardin, Jérém, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, je dis oui. Pour l'anniversaire de Rara. Ah, ça serait bien, oui. Salut, c'est le tondeur fou. Salut. C'est joli, le tondeur fou. Tu me gênes pas. The Crazy Thunder. J'ai senti les gênances. Le Crazy Thunder de l'Alabama. Bon, son fou, on est en finale. De toute façon, bravo. T'as qu'à tomber des flouses, papa. Tu vaudras jamais un but double. Rien n'est grave, on est en finale. Aucun rapport.